Bonjour et bienvenue dans le magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Elles peuvent être suaves, ténébreuses, stridentes ou éraillées, mais chacune d'elles est unique au monde. À quoi tiennent les spécificités d'une voix? De quelle manière se transforme-t-elle au cours d'une vie? Et comment prendre soin de nos cordes vocales? Nous allons en parler avec notre invité, le docteur Jean Habitbol, dans un instant. En deuxième heure, l'astrophysicien Hubert Reeves nous emmènera en balade dans son univers. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Tristan Gratalon et Johanna Gabric. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Sublime de Maria Callas pour ouvrir cette émission sur la voix, enregistrement réalisé à l'Opéra de Paris en 1958. Elle chantait la Tosca de Puccini. Bonjour Jean Habitbol. Bonjour. Vous êtes otorhinolaryngologiste phoniatre et vous venez de publier La belle histoire de la voix aux éditions De Buch. Vous évoquez dans votre ouvrage La voix de la Callas. À quoi tient la beauté de cette voix unique? Alors la Callas, c'est passionnant pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est une femme qui ne s'aimait pas, qui en 1952 se regardait dans un miroir, se trouvait trop grosse, elle avait des lunettes, elle ne s'aimait pas du tout. Et elle a perdu 35 kilos entre 1952 et 1954. Et tout le monde s'est dit, c'est terminé, elle a maigri, elle pourra plus chanter. Et en 58, on a écouté cet extrait superbe de la Tosca, de la Callas, de Maria Callas. Mais on sent dans cette voix des cicatrices de la vie. On sent cette vibration, cette souffrance intérieure, et on sent cette fragilité. Et c'est ça qui est superbe par rapport à Renata Tebaldi, qui était quelque part un duel, qui était un duel à très haut niveau, puisque ils chantaient pratiquement les mêmes choses, l'une à New York, l'autre en Italie. Et Renata Tebaldi, elle était complètement protégée par sa mère, alors que la Callas était presque brimée. Et c'est l'histoire de cette femme qui, à la cinquantaine, bientôt nous quittera, et cette souffrance, on la sent toute sa vie. C'est pour ça que quand elle monte comme ça dans les aigus, on attend presque la faute. La cruauté du public, c'est dire à quel moment elle va tenir. Alors, cette fragilité nous passionne et nous touche beaucoup plus sur le plan émotionnel. Alors, vous nous donnerez dans la suite de cette émission des conseils pour prendre soin de notre voix, même si la fragilité qu'elle dégage peut aussi émouvoir. Mais d'abord, voyons comment elle fonctionne, cette voix. Nous produisons notre voix avec un instrument à cordes ou à vent? Alors, c'est le seul instrument que Dieu a créé qui est à cordes et à vent. C'est-à-dire qu'on a deux cordes vocales et non pas 54 notes comme sur le piano. Et ces deux cordes vocales vibrent au niveau du cou, à l'horizontale, juste en arrière de la pomme d'Adam chez l'homme et la pomme d'Ève, si je puis dire, chez la femme. La puissance de la voix, c'est le souffle pulmonaire. La vibration, ce sont les deux cordes vocales qui s'allongent dans les aigus, qui se raccourcissent dans les graves, 2 cm chez l'homme, 18 mm chez la femme. Et enfin, la caisse de résonance, c'est ce qu'il y a juste au-dessus des cordes vocales qui va jusqu'au niveau du nez. Et si je vous dis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien évidemment, mes cordes vocales sont les mêmes. Ma respiration est la même. Mais la caisse de résonance a changé. Si je prends un violoncelle ou je prends un violon alto ou un violon soprane, même avec les mêmes cordes, la même note, la caisse de résonance aura changé le timbre de la voix. Or, le timbre, c'est la signature d'une voix. C'est complexe, donc on a un instrument qui est un instrument comme un violon. Il y a un archer qui va faire glisser sur la corde le violon. Eh bien, cet archer, la main qui le conduit, c'est l'émotion, c'est l'affect de l'artiste. Est-ce que les autres mammifères ont aussi des cordes vocales ou c'est une spécificité que nous, humains, nous avons? Non, les autres mammifères ont également des cordes vocales. Alors pourquoi ils n'ont pas de voix? Alors, à cause des cases de résonance. Tout simplement, on va prendre un exemple très simple. L'homme, avec un grand H, je précise, possède à la puberté, au niveau des cordes vocales, qui sont un muscle comme le biceps, mais très petit, comme on vient de le dire, avec un épithélium. C'est la peau qui assure la corde vocale. Mais quelque chose d'exceptionnel. La corde vocale de l'homme à la puberté a 3 couches d'épithélium, comme si on avait 3 couches de peau. C'est le seul mammifère qui a ça. Le seul primate. Le singe ne l'a pas. Et cette troisième couche va lui donner un timbre particulier. Premier élément. Deuxième élément, le larynx va descendre de la première vertèbre cervicale, donc dans le cou, à la cinquième vertèbre cervicale. Ça se fait entre l'âge de 1 jour et l'âge de 18 mois. C'est la raison pour laquelle le nourrisson peut respirer et avaler en même temps. Il va téter le sein de sa mère pendant 1 heure, s'il veut, mais il n'aura pas de problème de respiration. C'est ce que font tous les animaux de la jungle qui vont aller laper au niveau de l'eau et peuvent surveiller pour voir si on va les piéger par les prédateurs. Et l'homme ne peut plus faire la même chose à partir de l'âge de 2 ans. Et donc la voix est en partie due à sa descente du larynx, mais pas seulement. Parce que si vous n'entendez pas bien, la voix est pilotée par l'oreille. C'est l'oreille qui va piloter. Cette oreille va piloter 2 choses. La première, c'est la voix dans votre timbre, dans votre puissance, dans votre tonalité. Mais la seconde, c'est que vous vous entendez vous-même parler quand vous parlez. Et la voix que vous émettez est une vibration de l'intérieur de vous-même, que vous entendez, et qui va passer de vos lèvres vers l'extérieur pour arriver sur le tympan. Alors le fait que nous parlions ne tient pas uniquement à des considérations anatomiques. Vous relatez dans votre ouvrage une expérience très cruelle, mais parlante. Elle a été réalisée par l'empereur Frédéric II au XIIIe siècle. Qu'a-t-il fait ? Alors c'est une expérience cruelle, impressionnante. C'est un empereur qui était d'une culture importante et j'allais dire rare. Il savait parler 7 langues. Le germanique, le français, l'italien, le latin et j'en passe. Et il s'est posé la question, est-ce que la voix originelle que nous avons à la naissance, est-ce qu'on l'a quand on va naître parce que Dieu nous l'a donnée, tout simplement ? Ou est-ce qu'on va l'acquérir avec le temps ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des nouveau-nés, les serfs de l'époque, qui étaient des petits bébés, il a pris les bébés de ses servants, et dès l'âge de 3 jours à 10 jours, il les a mis dans des chambres différentes. Ce détail est fondamental, ça nous est rapporté par un journaliste de l'époque. Il les a isolés, et il a demandé, donc, entre guillemets aux infirmières, mais à ses autres servantes, de leur donner à manger sans parler. D'être habillés d'une façon extrêmement stricte, presque comme un mammifère, mais sans aucune voix parlée. Et jusqu'à l'âge de 3-4 ans. À 4 ans, on leur a demandé, plus d'une trentaine d'enfants, de sortir et de se mettre à parler. Aucun d'eux ne pouvait parler. Aucun son n'était émis, si ce n'est des grognements. Alors qu'ils étaient, évidemment, alors qu'anatomiquement, ils étaient capables, normalement, de parler. Absolument, ils étaient capables de parler. Le larynx était descendu, au niveau de la cinquième vertèbre cervicale. L'oreille était là. Tout était là pour la voix. Mais la voix, c'est pas seulement physique. La voix est un élément fondamental dans le monde de la sociabilité de l'être homme. Et également, chez ces enfants, ils sont tous morts débiles profonds entre l'âge de 10 ans et 12 ans. Signifie-t-il que la voix est indispensable à la vie ? Non. Mais le côté sociable de l'être humain est indispensable à sa survie. Et j'en veux pour preuve que quand on isole des gens qui ont 85, 90 ans et qu'on les laisse dans des mouroirs, c'est le mot, parce qu'ils n'ont plus de contact avec les autres. Toutes les voix sont uniques, il n'y a pas 2 voix identiques sur tous les hommes et toutes les femmes à la surface du globe. Absolument. Toutes les voix sont une signature vocale. Cette signature vocale, même chez les jumeaux, les vrais jumeaux, on se trompe, mais il y a quelques éléments qui nous permettent de les distinguer. Et chacun a une voix unique sur 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. À tel point qu'aujourd'hui, on se pose la question, on avait l'œil qui donne l'identité de l'individu, on se pose la question de l'identité de la voix. En quoi les cordes vocales féminines diffèrent-elles de celles des cordes vocales masculines ? Alors, les cordes vocales féminines et masculines vont se différencier, bien évidemment, à la puberté. Alors finalement, la voix est-elle chromosomique, XX pour la femme, XY pour l'homme, ou est-elle hormonale ? Est-ce que les hormones vont influencer une voix de femme, une voix d'homme ? D'où nous vient la preuve ? La preuve a été faite sans aucun élément scientifique, mais d'une façon tout à fait pragmatique, j'allais presque dire, c'est les castrats. C'est l'exemple que nous connaissons, bien évidemment, de ce superbe film Farinelli. Est-ce que Farinelli avait une voix de femme ? Non, il avait une voix d'enfant. Donc finalement, les chromosomes vont donner la voix sexuée, certes, mais ça ne suffit pas. Si on castre un enfant mâle avant la puberté, à ce moment-là, les hormones mâles n'ayant plus d'action, la voix devient la voix d'un enfant et pas la voix d'une femme. Donc la voix féminine est une voix dans laquelle il y a très peu d'imprégnation d'hormones mâles et la voix masculine a une imprégnation très forte en testostérone. Et qui va donner la musculation de la corde vocale et muscler la totalité des éléments autour de cette corde vocale. Je vous propose d'écouter la voix justement du dernier castrat, Alessandro Morsky, qui a vécu au début du XXe siècle. L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé en 1902 au Vatican. Jean Habitbol, oui. La voix du castrat a ceci de particulier que c'est ni une voix classique de femme, ni une voix classique d'homme, ni une voix d'enfant. Oui. Qu'est-ce qui donne cette particularité à la voix de castrat ? Alors ça, c'est passionnant. Parce qu'effectivement, il aurait dû garder sa voix d'enfant. Mais n'oublions pas que ses chromosomes sont XY. Donc il ne faut pas oublier que la seule chose qu'on a enlevée quand on va les castrer, donc au niveau testiculaire, donc on a enlevé la testostérone à très forte dose, mais on ne touche pas aux autres hormones qui vont être influencés par XY, l'hormone thyroïdienne et l'hormone de croissance. Donc la puissance pulmonaire vient de l'homme. La caisse de résonance, elle est masculine, mais la hauteur de la voix avec les cordes vocales était une hauteur de voix de l'enfant. Et c'est cette espèce de chimère de cette voix qui est entre l'homme et la femme et qui nous met quelquefois mal à l'aise. La preuve en est, c'est que dans Farinelli, les voix aiguës, on a pris une voix d'homme, et la voix grave, on a pris une voix de femme pour donner cette impression de chimère. D'ailleurs, entre voix d'homme et voix de femme dans le chant lyrique, parfois ça se rejoint, ça se confond avec des chanteuses qui descendent dans les graves ou des chanteurs qui montent dans les aigus. Par exemple, là, selon vous, est-ce un homme ou une femme qui chante ? C'est pas évident, hein. Moi, je dirais que c'est un homme qui chante. Non, c'est une femme. C'est Nathalie Sutzmann, une contralto dans un extrait d'Andromeda de Vivaldi. Alors, c'est la fille d'un père baryton et d'une mère soprano. Et qu'est-ce qui lui permet d'atteindre ainsi les basses? Alors, c'est très intéressant que ce soit une contralto et que ce soit une voix de femme. C'est intéressant dans la mesure où là, vraisemblablement, le côté physique, je ne connais pas du tout cette, ouais. Cette passion, je connais pas du tout cette chanteuse, pas du tout. Mais la conformation doit être un coup assez long, ouais. Doit être quelqu'un de relativement grand et qui ensuite peut créer une caisse de résonance qu'on voit chez les barytons et chez les basses profondes où la caisse de résonance est extrêmement grande. Et un peu comme le violoncelle, où à ce moment-là, on peut descendre dans les graves. Ouais. Et donc, quelque part, c'est un don de la nature qu'elle a, c'est sa conformation anatomique qui lui a permis une chose rare, c'est d'avoir des vrais graves, et pas des graves qui viennent derrière les aigus. Ouais. Parce que le propre de la voix de l'homme, c'est d'avoir des graves quand je vous parle, mais d'avoir les aigus qui donnent l'écrin de la voix. Et chez la femme, elle a d'abord des aigus, et l'écrin vont être les graves. Alors que là, on est inversé, on est un peu troublé. Oui, alors, le même passage de ce qu'elle chantait, de Vivaldi, chanté par un homme cette fois. La voix du contre-ténor Philippe Jarouski, alors d'ailleurs qui vient de rentrer au musée Grévin, on l'a appris cette semaine. Il y a une technique particulière pour un homme pour atteindre les aigus de cette manière-là? J'ai la chance de le connaître et c'est un artiste remarquable qui passe en voix de tête. Voix de tête, c'est-à-dire qu'il bascule son larynx vers le haut et il chante avec uniquement sa voix de tête et il y arrive en pleine puissance, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'il arrive à donner la puissance de la voix suffisante pour être à l'aise au niveau des suraigus, comme on dit, mais garder ce timbre vocal qui lui est propre et qui est sa signature. Ça demande un entraînement particulier. Ça veut dire que nous, on n'arriverait pas à tenir cette voix très longtemps. Alors, c'est exactement cela. On peut le faire, mais c'est à tenir. Un registre vocal, c'est un registre, c'est-à-dire la hauteur de la voix, par exemple, ténor, contre-ténor, basse, baryton, par exemple. Eh bien, le registre vocal, c'est là où vous êtes à l'aise pour chanter. Mais on peut tous monter dans les aigus, mais ce qu'on ne peut pas faire, car la nature vous l'a imposé, c'est descendre dans les graves. Le plus grave que vous pouvez faire aujourd'hui, vous ne pourrez pas descendre plus bas. En revanche, avec de l'exercice, vous pouvez monter dans les aigus, car monter dans les aigus, c'est étirer la corde vocale. On fait un peu comme le grand écart, si vous voulez. Mmh. Et à un moment donné, ben effectivement, on risque de la blesser, cette corde. Mais on peut y arriver. Quelques secondes, quelques minutes, mais ça ne veut pas dire chanter. Mmh. Ça veut dire rentrer dans la performance, ce qui n'est pas la même chose. C'est un cri, et on peut abîmer les cordes vocales. Alors on peut, bien sûr, comme un claquage. On peut faire un claquage de la corde vocale lorsqu'on, par exemple, on ne parle pas pendant une heure, et brutalement, on va se mettre à hurler après quelqu'un. Et à ce moment-là, on peut faire un hématome, dire que la corde vocale étant un muscle, il y a des petites fibres musculaires qui vont se déchirer, faire une petite poche de sang. La différence, c'est que sur un muscle que vous avez, ça va se résorber. Au niveau de la corde vocale, ça peut créer un polype hémorragique de la corde vocale. Alors, vous nous avez dit, hein, il y a quelques instants, que les hormones ont une influence sur la voix au cours de la vie, et même de façon cyclique. Hein. Parmi les patients qui sont venus vous consulter sur leur voix, certains vous ont donné envie de mener des recherches. C'est le cas notamment avec une patiente. Il y a une trentaine d'années, une enseignante en école maternelle, hein, je crois, vient vous voir, vient vous consulter, parce que sa voix se casse régulièrement depuis 10 ans. Grâce à ce groupe de patientes, c'est les institutrices de l'école maternelle. C'est un biais de diagnostic, parce que c'est un pool particulier. Elles chantent et elles parlent avec des enfants qui ont une voix aiguë. Donc, elles jouent le rôle de chanteuse, elles jouent le rôle de la voix chantée. Et ces femmes-là sont obligées de donner beaucoup. C'est assez extraordinaire, parce qu'elle se donne complètement. Et là, effectivement, j'ai eu un groupe d'institutrices pendant quelques années qui venaient voir juste avant les règles. Je me disais, c'est psychologique, avant les règles, c'est normal. Et puis j'ai eu l'idée complètement folle, c'est d'aller faire un frottis des cordes vocales, comme on fait un frottis au niveau du col de l'utérus. Et j'ai montré ça à un de mes maîtres, aujourd'hui il aurait 110 ans, il s'appelait le professeur Debrux, qui avait mis en place les frottis du col de l'utérus dans les années 60, et j'ai montré les deux frottis sans lui dire ce que c'était. Et il m'a dit, mais ça, c'est des frottis de col du terrain, mais bizarre. C'est ça, mais qu'est-ce que tu as fait, Bitbol? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai écouté, monsieur, c'est en fait des frottis de cordes vocales. Mais comment? Et grâce à lui qui m'a poussé, on a fait un énorme travail sur 100 patientes différentes, et il y a un parallélisme complet. Uniquement 30% de ces femmes ont une voix altérée avant les règles. Mais 70% n'ont pas de problème. Même au niveau des chanteuses, elles le sentent légèrement, c'est un peu plus lourd. Pour différentes raisons, pas seulement au niveau des cordes vocales, on chante également avec les muscles abdominaux, avec les muscles pelviens, et on sait bien que chez la femme, au moment des règles, il y a des problèmes. Ça veut dire que il y a une imprégnation hormonale au niveau des cordes vocales, avec des récepteurs hormonaux qui ont été découverts en 2001 par des collègues américains que je connais bien, et qui ont mis au point des techniques pour voir ces récepteurs. Le travail, moi, j'avais entrepris dans les années 91-92, on trouvait pas de récepteurs, nos techniques n'étaient pas assez performantes à l'époque. Et alors, pour les femmes qui nous écouteraient et qui sont concernées par cette altération des cordes vocales, juste avant leurs règles. Une fois qu'on a identifié le problème, il y a une solution pour les traiter, soigner bien sûr, sa mais voix. Il faut juste mettre un bémol. C'est les femmes qui ne prennent pas de moyens contraceptifs, bien évidemment. Car si on prend la pilule œstroprogestative, le taux d'œstrogène et de progestérone va être constant, voire un double. Mais ceux qui n'ont pas de traitement, donc des règles entre guillemets naturelles, sans influence extérieure par un stérilet qui est hormonal ou par des pilules, effectivement, à ce moment-là, il y a des traitements très simples qui sont de deux sortes. Premièrement, les minéraux, car il y a une perte de magnésium, une perte d'éléments au niveau minéraux de l'organisme. Et puis, deuxièmement, au niveau de la contracture et des l'œdèmes, c'est des comprimés à base qu'on appelle de la bromélaïne, qui sont à base d'ananas, en fait, et on donne ça pendant 8 jours, 4 jours avant les règles, 4 jours pendant les règles, qui sont du magnésium, qui sont de la bromélaïne, qui sont éventuellement un antidouleur, et également, moi je suis très friand de cela, c'est des infusions au thym avec une cuillère à soupe de miel qui leur permet de bien lubrifier les cordes vocales et d'éviter justement cette sécheresse buccopharyngée. Donc le miel pour les cordes vocales, c'est pas une idée reçue ou un remède de grand-mère, ça marche vraiment? Ça marche vraiment bien, mais pur comme ça, pas vraiment, mais avec du thym ou avec notamment également ce qu'on appelle les infusions à la mauve, qui est une vieille technique que j'ai lue dans un livre de Caruso du début du siècle, enfin du 20e siècle. Et effectivement, les infusions à la mauve marchent dans les laryngites un peu fortes, un peu agressives, un peu inflammatoires. On n'a pas besoin de donner un anti-inflammatoire. Une infusion mauve 3 fois par jour pendant 2 jours suffit. Vous allez nous expliquer le type d'opération que vous avez été amené à réaliser sur les cordes vocales dans votre carrière. Nous verrons aussi comment prendre soin de notre voix encore plus particulièrement. L'ORL et phoniatre Jean Abitbol donne de la voix cet après-midi sur France Inter et nous sommes tout ouïes. Reality. gravity. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, Bohemian Rhapsody, la voix de Queen sur France Inter. Du vent dans les synapses. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je serai opéré des cordes vocales dans peu de temps. Il va falloir me supporter comme ça. J'avais jamais réentendu ma voix. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, celle... À cette époque, les médecins lui affirment qu'il ne pourra plus jamais chanter. J'ai eu des idées noires, en effet, parce que moralement, c'était très très dur. Voici les cordes vocales de Marc avant son opération. La corde à gauche sur l'écran a été paralysée, il ne pouvait pas former de son. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme opération ? J'ai injecté dans la corde vocale paralysée un produit qu'on appelle l'hydroxyapatite, qui permet de regalber la corde vocale. C'est un i. Pendant plusieurs mois, il va devoir faire de la rééducation orthophonique pour réapprendre à se servir de ses cordes vocales. J'ai presque retrouvé ma voix d'avant. On ne peut pas retrouver à 100% sa voix. J'ai retrouvé mon identité, j'ai retrouvé le moral. Et jamais je n'aurais cru, avec la voix que j'avais, rechanter un jour. Dormez-vous. Extrait d'un reportage où l'on entendait un patient que notre invité Jean Habitbol, ORL phoniatre, a opéré. De quoi souffrait-il ce patient, Jean Habitbol ? Alors, il souffrait d'une paralysie de la corde vocale secondaire à un acte chirurgical qui, hélas, dans 5% des cas, peut donner ça, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde. Et on paralyse à ce moment-là en touchant le nerf de la corde vocale. Et c'est pas une faute, c'est tout simplement que le nerf passe au niveau de la thyroïde elle-même et quelquefois il est presque ancré dans la thyroïde. Oui. Il vous est arrivé que des personnes viennent vous voir pour modifier leur voix et que vous refusiez parce que justement, oui, vous pensiez que ça n'était, oui, pas une bonne chose. Oui, c'est une histoire qui est dans le livre d'ailleurs, que j'ai rencontré très souvent, qui est l'histoire de cette avocate à la criminelle qui vient me voir et qui me dit: bonjour docteur, voilà, je suis avocate à la criminelle, je fume un paquet de gitane par jour, j'ai un petit verre de whisky le soir, faut changer ma voix. J'examine, elle avait ce qu'on appelle un édème des cordes vocales, c'est tout. Et je lui pose la question toute simple, est-ce que vous perdez vos procès ? Il dit pas du tout. Je perds pas tous mes procès, d'ailleurs, moi, les voyous sont mes copains. Moi, ma salle d'attente, c'est la prison. Il dit, pourquoi voulez-vous faire opérer ? Il dit, parce que j'ai un petit ami qui aime pas ma voix. Et je lui ai répondu, changez de petit ami, changez pas votre voix. Elle s'est fait opérer, par un de mes collègues remarquablement bien, mais elle est venue avec une voix comme ça. Et quand je l'ai vue 6 mois après, sincèrement, je l'ai à peine reconnue, car telle est l'importance d'une voix. Et effectivement, elle m'a dit une phrase terrible. Je suis devenu schizophrène de ma voix et mon petit ami m'a quitté. Ce qui veut dire que la voix elle-même, j'ai pas voulu l'opérer, car la voix, on doit être bien dans sa voix comme on est bien dans sa peau. Mmh. Et c'est ça le secret. C'est pour ça que je parle de la chirurgie de la corde vocale comme d'une chirurgie émotionnelle. On n'enlève pas un polype de la corde vocale comme on enlève l'appendicite. Enfin, ouais. L'appendice, plus exactement. Dans quelle mesure on peut modifier sa voix sans passer par la chirurgie? Oui. Dans quelle mesure on peut agir, oui, sur sa voix? Alors, aujourd'hui, d'une façon tout à fait simple, l'orthophonie, d'une part, va vous apprendre à mieux placer la voix. Pourquoi? Elle va vous apprendre à respirer, car on ne parle qu'en expirant, en soufflant. Ouais. Ah, ben, si je... ah, Lambert, je peux pas parler. C'est très difficile. Donc, un, c'est l'harmonie entre la respiration, la vibration des cordes vocales et la mise en place de la caisse de résonance. Ça, c'est la force de l'orthophonie. Et aujourd'hui, grâce aux techniques qu'on a aujourd'hui d'orthophonie, il y a beaucoup de patients qu'on n'a plus besoin d'opérer. Par exemple, des femmes qui ont des petits nodules, c'est comme des petits boutons sur les cordes vocales. On en opère quoi, 2%? Avant, on en opérait 80%. C'est l'orthophonie qui a fait son travail, qui n'avait pas besoin, car c'était un forçage vocal. Et la deuxième chose, moi je dis maintenant à beaucoup de mes patients, c'est des cours de chant. Car le cours de chant va libérer le côté cartésien, le côté de la raison de votre voix. Elle va vous faire passer du côté de l'affect. Et à ce moment-là, oui, vous mélangez l'affect et la raison, et vous allez pouvoir avoir une voix qui va être en harmonie avec vous-même. Alors, nous pouvons aussi transformer notre façon de parler. Vous parlez d'une mode, surtout qui a lieu aux États-Unis, oui, plutôt chez les femmes, mais oui, chez certains hommes aussi, le vocal fry. Oui. Alors, on va avoir un exemple. C'est la voix de Kim Kardashian, hein, vedette de télé-réalité. Oui, c'est pas forcément très agréable à écouter, mais on sent bien qu'elle force sur sa voix. Qu'est-ce qu'elle fait exactement quand elle fait ça? Alors, sur le plan technique, que se passe-t-il? Parce que j'en ai filmé quelques-unes pour comprendre. Parce que au départ, c'est pas évident. C'est un peu comme chez le ventriloque ou chez les chants tibétains. C'était pas évident. En fait, elle contracte ses cordes vocales, elle appuie sur comme ça, et elle contracte ce qu'on appelle l'arrière des cordes vocales, qu'on appelle les aryténoïdes, qui sont des éléments, des tout petits os, qui sont à peine 4-5 mm de haut, et qui permettent de fermer ou d'ouvrir les cordes vocales. Et elle les contracte tellement qu'en fait, elle parle comme une voix un peu souffrante, comme ça, et ça montre une certaine personnalité dans lequel on veut aller, dans lequel elle veut traduire quelque chose qui n'est pas habituel, style, écoutez-moi, parce que j'ai un problème. Donc, quelque part, la voix est un bouclier par rapport aux autres. Ça peut faire mal aux cordes vocales, de faire ça? Oui, si on le fait mal, ça fait mal. Ouais. Parce qu'il faut savoir le faire et savoir comment le faire. Et les gens qui ont l'habitude de malmener leur voix, les chanteurs de rock, savent comment le faire. Mais quelqu'un qui va s'amuser à faire ça va me faire des polypes des cordes vocales, des édèmes au niveau des cordes vocales, et va me créer une vraie pathologie avec une possibilité de véritable subluxation de la corde vocale, parce que n'oubliez pas que les cordes vocales, il y a des arthroses des cordes vocales, parce que ça se ferme, ça s'ouvre, donc il y a une articulation. Et une subluxation, c'est quoi? C'est-à-dire que la corde vocale se bloque à certains moments, quand vous parlez, et puis vous avez plus de voix, et puis vous recommencez à parler, et puis ça se bloque tout seul. Ouais. Et ça, c'est la corde vocale qui, comme une épaule, qui se débloque et qui se rebloque. Et quand on chuchote, qu'est-ce qu'on fait avec les cordes vocales? On voit bien que la voix se transforme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on emploie cet instrument sans vraiment savoir comment il marche. Oui. Alors, le chuchotement était une découverte qu'on a pu faire grâce à la technique de vidéofibroscopie par voie nasale, que j'ai eu la chance d'être un des premiers à mettre au point dans les années 84-85, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et chuchoter, quand vous avez la bouche ouverte en tirant la langue, en gardant, vous pouvez pas chuchoter. En mettant le fibroscope avec la vidéo et qu'on filme, la voix chuchotée, c'est une voix dans laquelle les cordes vocales ne se touchent pas. Et seul le souffle pulmonaire et le son que vous entendez, c'est la caisse de résonance qui se transforme et qui crée les voyelles. Et qui va créer, en fait, le son que vous entendez. Mais si je vous mets à parler comme ça, c'est pas du chuchotement. À ce moment-là, c'est dangereux. Parce que là, vous faites, entre guillemets, une friction exactement des cordes vocales, et en les chauffant comme ça, vous créez une vraie pathologie qu'on appelle la kératose, c'est de la corde sur la corde vocale. Donc les gens qui s'amusent à chuchoter comme ça pour pas fatiguer leur voix, c'est encore pire. Vaut mieux qu'ils parlent doucement, sans forcer leur voix, ou alors sur le souffle. Et à ce moment-là, ça va. D'accord. Et ça, c'est le boulot de l'orthophoniste. Ouais, c'est un travail remarquable. Ne jamais forcer en chuchotant, on abîme ses cordes vocales. Certains parviennent à transformer leur voix de façon bluffante. Je pense aux imitateurs, bien sûr. Certains ont même été étudiés par des scientifiques. C'est le cas de Laurent Gérard, comme il l'a raconté sur la RTBF. C'est votre larynx qui est très bien? Ouais, c'est les cordes vocales qui sont asymétriques. Ah oui, et le larynx, le larynx va bien? Il est très souple, il peut aller dans tous les sens. Oui. On peut tous changer sa voix. Sauf que moi, j'ai une perception qui est un peu plus pointue. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant... Vous avez étonnant, une oreille, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que si vous, bon, vous avez l'habitude, parce que vous faites des émissions de télévision, mais si, dans le public, vous écoutez votre voix, vous n'allez pas la reconnaître. Mm-hmm. Donc, nous, imitateurs, je crois qu'on a la capacité d'entendre quand même le résultat de ce que ça va produire. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que je me suis posé la question. J'ai demandé, parce que je suis cobaye pour le CNRS, ils font des recherches sur la voix et sur ma vraiment voix. Oui, c'est super intéressant. Vous mais moi, dissèque je suis curieux. Je fais des tests et c'est vrai qu'on s'est aperçu que j'avais une perception un petit peu différente. Corde vocale asymétrique, larynx souple, oreille particulière, qu'est-ce qui fait vraiment la différence chez les imitateurs? Les imitateurs, j'ai eu la chance d'en filmer plus d'une quinzaine, facile, des cordes vocales, dont Laurent Gérard d'ailleurs, ont des cordes vocales, ou Michael Gregorio, qui est absolument exceptionnel en voix chantée, ont des cordes vocales asymétriques. Donc ça leur permet, un peu comme un acrobate du larynx. Donc, il peut jouer avec le larynx, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des mimiques qui vont avec, au niveau du visage. Mais comment il peut imiter? C'est exactement ce que nous venons d'entendre, de la part de Laurent Gérard. C'est-à-dire que quand lui, il parle, il s'entend comme vous, vous l'entendez. Et la résonance à l'intérieur de lui-même, il arrive à la fermer, à ne pas l'entendre. Et donc, il peut reproduire. Donc, c'est la voix qui est pilotée par l'oreille. Donc, l'oreille elle-même va piloter sa voix, d'une part, et puis la mimique, il va commencer à la transformer, et on voit ça remarquablement bien chez Laurent Gérard, ou chez Michael Gregorio, quand il chante, il passe de Piaf au Queens, qu'on a entendu tout à l'heure, d'une façon impressionnante, car immédiatement, il sait comment gérer la musculation de sa corde vocale et les cases de résonance ensemble. Une chose que les imitateurs ne pourront jamais faire, c'est changer de corde vocale. Avec les ordinateurs, on peut faire des choses étonnantes. À l'IRCAM, par exemple, on pratique des greffes de cordes vocales auxquelles vous ne vous seriez jamais risqué, Jean Habitbol. On peut modifier indépendamment donc ce qu'on appelle donc les vibrations des cordes vocales et les résonances du conduit vocal, ce qu'on appelle en traitement du signal donc la source d'un côté et le filtre de l'autre. Et donc on peut s'amuser, par exemple, à changer les cordes vocales d'un être humain en les remplaçant, par exemple, par celles d'un lion et les faire passer toujours à travers les résonances du conduit vocal. Ce qui va donner que la personne va parler avec la voix d'un lion. Je vais faire écouter la source, le lion. Un être humain, donc Sean Connery. Once upon a midnight dreary. Et donc là, on remplace, on va dire, on va couper la tête de Sean Connery, on lui laisse sa bouche, et puis on remplace ses cordes vocales par celle du lion. Et ça, c'est fait par une méthode qui s'appelle synthèse croisée. Que pensez-vous, Jean Habitbol, du résultat synthétisé par ordinateur de cette greffe de cordes vocales de lion sur Sean Connery? Alors, je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Nous aussi, on veut vous surprendre. C'est intéressant, ça montre à quel point aujourd'hui on peut truquer, on peut tricher et comment on peut manipuler les choses. Ouais. Et on voit ça de plus en plus sur d'autres éléments, ce qu'ils appellent aujourd'hui les fake news, c'est-à-dire des choses qu'on considère comme vraies tant qu'on n'a pas la preuve. Et là, c'est bluffant, parce qu'on a, comme il le fait très bien les cordes vocales néant, mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette étude, c'est les gens qui ont perdu par un cancer du larynx, le larynx. On enregistre leur voix avant, c'était fait par l'IRCAM d'une part et par un chercheur remarquable de Bretagne, et qui a eu l'idée d'enregistrer la voix avant qu'on enlève le larynx. Et après, lorsque cette personne parle avec une voix chuchotée, justement parce qu'il n'a plus de larynx, donc il n'a que les phonèmes pour parler, l'ordinateur va reconstituer sa propre voix. Malgré la perte de son larynx, oui, on a greffé des cordes vocales, à ce moment-là c'est passionnant, qui sont des cordes vocales sur ordinateur. Et on peut prendre un autre exemple que vous connaissez bien sûr, qui est Stephen Hawking, ou qui ne pouvait pas parler pour la raison que vous savez, eh bien lui, il avait une tablette et il parlait grâce à cela. Alors pourquoi n'a-t-il pas pris la voix de Sean Connery ou la voix de George Clooney? Il aurait pu. Mais c'est une opinion personnelle. Je pense qu'il a voulu garder cette voix qui était un peu celle des trous noirs, celle de l'astrophysique, cette voix qui semblait venir de l'espace, car changer cette voix qui est une voix d'ordinateur aurait changé sa signature. Ouais. Dans votre livre, vous abordez la voix justement sous tous ses aspects, pas seulement scientifique, aussi théâtrale, cinéma, politique. Vous dites d'ailleurs que le général de Gaulle est un cas d'école parce que au fur et à mesure de son histoire, sa voix a évolué. Impressionnant. Parce que le général de Gaulle a rassemblé trois éléments différents en ce que j'ai pu écouter et analyser. Dans les années 40, c'était le général. C'était celui, pas encore, mais c'était celui qui allait combattre l'ennemi. Donc il avait cette voix protecteur, cette voix de la défense de la nation, avec une voix impérative de l'armée. puis France libérée, quand il arrive sur les Champs-Élysées. Il avait libéré, et à ce moment-là, c'est la voix qui n'est plus le protecteur, mais celui qui a libéré, la voix quelque part de celui qui redonne à la nation une possibilité d'espoir. Et puis arrive cette histoire incroyable de mai 68, où là, il parle à l'écran, on le voit, et on se dit, oui, d'accord, il est vieux, on l'écoute pas. Et puis l'idée de génie du général, c'est de passer à l'écran de télévision, mais l'écran est noir. Et on n'entend que sa voix. Et là, c'est la puissance de la voix du général qui donne l'aspect du père protecteur, mais attention, faut pas aller trop loin, et là, il faut arrêter. Et à ce moment-là, on écoute la puissance de la voix radiophonique qui pour moi est beaucoup plus forte que la voix de la télévision. On n'ira pas plus loin. Merci Jean Abitbol pour cette formidable conclusion. France Inter. Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Eh bien, je voudrais vous parler ce soir de quelque chose qui n'existe pas et qui cependant est à la base de toute notre existence et de toutes les lois de la physique. Je veux dire que nous n'allons parler de rien, ou plutôt que nous allons parler du vide. Oh, je vous vois sourire et vous n'êtes pas les premiers. Quand j'ai proposé ce sujet au service des reportages, mes camarades se sont fortement esclaffés et m'ont donné d'ailleurs de très bons conseils. L'un m'a dit que j'étais fou, parler du vide à la radio c'est beaucoup trop près l'un de l'autre. L'autre voulait m'envoyer rue de Rivoli aux finances, un troisième à la chambre et un quatrième plus méchant me dit que je n'avais qu'à parler tout seul, puisqu'aussi bien je n'avais rien dans la tête. En 1949, sur la RTF, le journaliste Claude Darget se penchait déjà sur le vide. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences, chercheur au CEA, et vous venez de publier chez Actes Sud ce qui est sans être tout à fait un essai sur le vide. Avez-vous subi les mêmes réticences ou les mêmes moqueries lorsque vous avez dit autour de vous que vous alliez consacrer un livre entier au vide ? Pas vraiment, parce que le vide, c'est quand même une très vieille question que les philosophes grecs, pour ce qui est de l'Occident, ont abordé il y a fort longtemps, il y a plus de deux siècles et demi. Et puis, ça a été donc un sujet de controverse, de discussion chez les philosophes. Puis les physiciens s'en sont mêlés. Et au XVIIe siècle, ont démontré qu'il existait une certaine sorte de vide. Et depuis, le vide se déploie en de multiples avatars. Ouais. Qui font que c'est une question très présente dans le vocabulaire des physiciens. Et puis vous aimez hein, ces notions. Alors, avant de vous intéresser, comme vous le faites, au vide, vous vous êtes intéressé au temps, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Et en fait, ces notions qui, dès qu'on les aborde, on les triture, revêtent différents avatars, comme vous dites, où on ne sait plus très bien de quoi on parle. Tout ça, vous aimez les sujets insaisissables. Voilà, j'aime les mots très anciens qui se déploient dans la langue d'une façon fixe. Il y a des expressions toutes faites. La nature hors du vide, par exemple, ou bien faire le vide, etc. Pour le temps, on trouve l'équivalent. Et ce qui me fascine, c'est des expressions comme ça qui sont invariables, alors même que ce qu'on met derrière les mots qu'elles utilisent, temps, vide, matière, espace, ne cesse d'être modifié par les révolutions de la physique. On va s'en rendre compte dans cette émission. Vide et néant, c'est pas la même chose ? Ben non. Non, parce que, historiquement, il y a eu des confusions. D'ailleurs, il a fallu attendre très longtemps pour que on les distingue en disant, par exemple, que le vide est associé à l'espace. Penser le vide, c'est penser le vide dans un certain volume. Alors que le néant peut être défini sans faire référence à l'espace. J'ai trouvé une lettre que je cite dans le livre de Léonard de Vinci, ouais. Donc c'est le 15e siècle, ouais. Fin 15e, dans laquelle il explique à son correspondant que la différence entre le néant et le vide, c'est précisément que le vide est spatialisé, alors que le néant ne contient rien, même pas l'espace. Et heureusement, parce que le néant, si on y réfléchit bien, c'est une notion impensable. Ou plutôt, dès qu'on la pense, on la détruit. C'est ce que disait Bergson, le néant est une idée destructrice d'elle-même, puisque dès que j'essaie de la penser, je me la figure en lui attribuant une certaine spatialité, une certaine substantialité que le néant, par définition, ne peut pas avoir. Donc le penser, c'est le détruire. Alors, dès l'Antiquité, les philosophes se sont questionnés au sujet du vide. Et tout simplement au sujet de son existence même. Oui, parce que le vide était associé initialement au non-être. Et il y a la fameuse phrase de Parménide, qu'on a présentée comme le père de la philosophie, ou de l'ontologie, comme on dit, la philosophie de ce qui est, qui s'intéresse à ce qui existe vraiment. Il a dit cette phrase incroyable, l'être est, le non-être n'est pas. Mais à partir du moment où vous commencez à penser le non-être, comme il l'a fait, le non-être va se comporter comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire vous allez vouloir vous en débarrasser, il n'existe pas, mais en fait, il va rester là, ailleurs, se déplacer, et finalement devenir un problème en lui-même. Pour Aristote, le vide n'existe pas ? Alors, pour Aristote, le vide n'existe pas parce que la nature l'a en horreur. Et ce sentiment d'horreur que la nature éprouve pour le vide agit comme une force sur les objets, sur les phénomènes. Par exemple, vous avez constaté qu'on peut assez facilement faire glisser une plaque de métal sur une autre, mais s'il s'agit de les écarter l'une de l'autre, ça devient beaucoup plus difficile. Explication, en les écartant, vous créez entre elles un vide que la nature ne supporte pas, et elle demande donc aux plaques de bien vouloir résister à ce mouvement que la nature n'aime pas. Alors ça c'est un raisonnement, il y en a eu d'autres. Démocrite, lui, dit au contraire, puisque les objets se déplacent dans l'espace, il leur faut bien de la place pour pouvoir se mouvoir, donc le vide existe forcément. Absolument, mais là encore, faut se faire attention au vocabulaire, parce que moi je dis pas le grec ancien, mais des amis proches qui le parlent couramment, si j'ose dire, on dit que le mot vide n'existe pas dans les textes de Démocrite. Il parle de méden, qui veut dire le néant, le non-être, justement, en grec. Et donc, quand on dit qu'il parle du vide, on projette dans sa pensée une notion qui est ultérieure à sa pensée. Et donc, peut-être qu'on fait un contresens. Une sorte d'anachronisme, en quelque sorte. Exactement. Un anachronisme qui vient du fait que quand on reconnaît un mot dans un texte très ancien, on a l'impression qu'il porte le sens que nous lui donnons, alors que l'évolution des idées rend peut-être les choses incommensurables. Alors non, la nature n'a pas horreur du vide. On a encore cette idée en tête finalement. Vous le donnez avec un exemple très simple. Vous dites quand on aspire avec une paille le contenu d'un verre, on se dit que c'est le vide qui aspire le contenu. On n'imagine pas que c'est la pression qui appuie sur le reste du liquide. Oui, j'ai fait un petit sondage auprès de mes amis. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez du jus d'orange avec une paille? Ça fait monter le jus d'orange dans la paille. Ce qui est quand même bizarre parce que la gravitation pousse au contraire à ce que le liquide reste en bas, mais quand on demande aux gens l'explication, ils pensent que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. C'est-à-dire, vous faites une dépression dans la paille, et comme la nature n'aime pas que le vide apparaisse, elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter. Alors qu'en fait, c'est justement ce que comprend Galilée, Torricelli et ensuite Pascal, c'est la pression qui appuie sur le jus d'orange, qui est dans le verre. La pression sur le jus d'orange qui est dans la paille, elle est diminuée par le fait que vous aspirez de l'air. Et c'est cette différence de pression qui fait monter le liquide dans la paille. Et alors Pascal va affiner le raisonnement, puisque lui, il va faire des expériences, enfin il va faire plus exactement à son cousin qui habite près du Puy de Dôme. Son beau-frère qui habite près du Puy de Dôme. Il va lui demander de faire des expériences à différentes altitudes. Et ce qu'il imagine, c'est puisque c'est la pression atmosphérique qui appuie, selon l'altitude, elle n'appuiera pas de la même façon. Voilà, il écrit à son beau-frère, Florin Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand. Pascal, à l'époque, il habite à Rouen ou à Paris, donc il a pas de montagne près de chez lui. Et son beau-frère va réaliser l'expérience en 1646. Donc il prend un baromètre au mercure, inventé par Torricelli, en laissant au pied de la montagne, observé par des témoins qui vérifient comment se comporte cet étalon. Et puis avec d'autres, va escalader la montagne et constater que la hauteur du tube de mercure diminue à mesure qu'il monte, ce qui prouve que la pesanteur de l'air diminue avec l'altitude. Au passage, il invente l'altimètre. Il invente l'altimètre, Torricelli a inventé le baromètre et Blaise Pascal l'altimètre. Parce qu'après, on peut déduire l'altitude de cette pression atmosphérique. Absolument. Une expérience plus spectaculaire va être réalisée quelques années après, huit ans après celle de Blaise Pascal, par Otto von Guericke. Nous sommes en 1656, il met en scène une expérience de physique très parlante. Que fait-il exactement? Il était maire de la ville et physicien, enfin ingénieur, et il a construit en laiton deux hémisphères de 80 cm de diamètre. Il a réalisé le vide grâce à une pompe pneumatique dans cette sphère obtenue en collant les deux hémisphères. Et il a demandé à des chevaux, à deux attelages, en sens inverse, de tirer pour écarter les deux hémisphères. Et alors si un commentateur avait été là à l'époque pour décrire la scène, ça aurait pu ressembler à ça. Monsieur de Guericke a levé sa canne et donné le signal. Les cavaliers y prennent leurs bêtes. Et les chevaux essaient tous de démarrer. Leurs sabots frappent le sol sur place, ils tirent sur leur harnais comme je n'ai jamais vu cheval tirer. 12 chevaux de chaque côté se tournent dans le dos avec entre eux une sphère que vous pourriez presque tenir dans vos bras et dont les deux moitiés ne sont collées l'une à l'autre que par de la graisse. Monsieur de Guericke maintenant encourage les cavaliers. Et les cavaliers, leurs chevaux, qui peinent tant et plus. Les princes se tournent les uns vers les autres, ils se parlent manifestement étonnés, et je vous jure, il y a de quoi. Quant au public, rassemblé autour de moi, disons-le tout net, ce public est sidéré. Les 24 chevaux tirent et tirent toujours, et c'est superbe de voir leurs pattes qui soulèvent la poussière sèche et leurs crinières qu'ils relèvent brusquement, comme vexés de ne pouvoir avancer. Ils ne peuvent rien contre le vide, ils ne peuvent rien contre la formidable pression de l'air qui rassemble les deux hémisphères dites de Magdebourg. On peut dire qu'aujourd'hui, Monsieur de Guericke a gagné la bataille du vide. Extrait d'une fiction radio de 1960 sur la RTF, joliment mis en onde par David Leprince, notre réalisateur. Alors dans cette expérience, la nature n'a plus du tout horreur du vide, Étienne Klein. À l'époque, on faisait des expériences de physique en public pour convaincre Blaise Pascal lui-même. On avait fait de ce type-là et là, il s'agissait de montrer l'intensité de cette pression. Des chevaux n'arrivent pas à décoller deux hémisphères tellement le poids de l'air appuyant sur la sphère en laiton est intense. C'est assez contre-intuitif d'ailleurs. L'idée que cette pression qui pèse sur nous en permanence est aussi forte qu'elle puisse contrecarrer la force exercée par ces attelages. Absolument. Le XVIIe siècle, c'est la période où on comprend que la physique n'est pas une bureaucratie des apparences. C'est-à-dire les lois physiques sont pas déductibles de l'observation des phénomènes. Parfois même, leur énoncé contredit l'observation. Quelle est votre définition à vous du vide, si vous en avez une après toutes ces réflexions? Alors on a expliqué tout à l'heure que le vide et le néant sont deux choses différentes. Ouais. Ça veut dire que le vide, c'est quelque chose de particulier. Et précisément, ce quelque chose de particulier ne peut pas être retiré quand on fait le vide, sous peine de faire du vide un néant qu'il ne peut pas être, puisqu'on a dit qu'ils étaient différents. Ne parlez pas trop vite, hein, pour qu'on vous suive, Étienne Klein. Alors, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le vide a une définition qui est circulaire, puisque dans les dictionnaires, on devrait trouver cette phrase « Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide ». Bon, et débrouillez-vous avec ça. Donc on n'est pas très avancé. Non. Et du coup, pour le définir un peu plus précisément, il faut une théorie physique. Une théorie physique, c'est un formalisme qui vous dit ce qui existe. Et le vide, c'est ce qui reste quand vous avez retiré tout ce que la théorie vous dit que vous pouvez retirer. Je vais prendre un exemple très simple. La mécanique de Newton qu'on apprend au lycée, qui nous dit qu'il existe dans l'univers trois sortes de choses. L'espace, le temps et la matière qui apparaît sous forme de corps matériel. Eh bien, le vide dans cette mécanique, c'est ce qui reste quand vous avez retiré tous les corps matériels. Donc, c'est l'espace vide, sans rien à l'intérieur, et puis le temps. Donc, le vide newtonien est un vide idéalisé qui n'existe pas parce que on sait que dans l'univers, partout, il y a quelques atomes qui traînent. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est le reliquat en termes de lumière de ce qui s'est passé 300 000 ans ou 380 000 ans après le Big Bang, une sorte de lumière résiduelle qui est partout présente, de sorte que l'espace vide au centre d'une Newton est introuvable dans l'univers. Oui, c'est ça. En physique, le mot vide a des sens différents, hein, on l'a compris. Toute la difficulté, c'est que les concepts et les connaissances évoluent alors que le vocabulaire, lui, reste le même. C'est une difficulté. C'est une difficulté. Moi, je le raconte dans le livre, j'ai rencontré une de mes voisines, Alanine Lacroix, un matin, j'étais un peu fatigué. Elle m'a dit, Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide. Ouais. Vous dites même que c'est l'origine du livre, je ne sais pas si c'est pour l'histoire. Et en fait, ce qui m'avait frappé dans cette phrase tout d'un coup, c'est la contradiction qu'il y a entre le verbe faire et le mot vide. Parce que faire, c'est un verbe d'action. Il faut faire quelque chose, mais vide, c'est associé au rien. Donc, dès que vous commencez à faire quelque chose, il faut vous arrêter de le faire. Et puis ensuite, évidemment, mon questionnement s'est déplacé sur ce mot vide, qui est un mot du langage courant, en me demandant qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot et comment est-ce qu'on peut clarifier le langage pour que ce que savent les physiciens, de nouveau, soit mieux dit par le langage ordinaire. Après vous êtes intéressé, Étienne Klein, au temps, à la matière et maintenant au vide, y a-t-il une autre notion que vous aimeriez explorer ? Non, je crois que pendant un certain temps, je vais essayer de vraiment faire le vide. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide » aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous, Étienne Klein. Merci à vous. En deuxième heure, j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'astrophysicien Hubert Reeves. Avec lui, nous parlerons Big Bang, nuages cosmiques et poussière d'étoiles, bien sûr. Il va nous parler aussi de sa vie, ses découvertes, sa passion pour la vulgarisation et ses engagements pour la planète. C'est avec beaucoup de bonheur que nous allons arpenter l'univers d'Hubert Reeves dans un instant.